Bon, ça en était réservé d'eux, là. De vous mentionner que vous faites une offre d'achat sur l'hôtel cette semaine, donc la semaine prochaine, on devrait pouvoir agrandir. Ils nous ont dit que c'était la dernière fois qu'on était au 7e. Ah, pour ce soir, c'est préférable que vous ne respiriez pas pendant la conférence, de toute façon, ce qu'on puisse savoir, c'est justement avec les gens. C'est ça. Si vous endormez, vous écouterez qu'à ça. Le titre de la conférence de ce soir, comment décoder notre vie? Bon, comment décoder le fait qu'on a une petite table ce soir? C'est quoi un décodage? C'est une que le mensonge cosmique codifie les choses, ça veut dire qu'il cache. Là, ça, c'est un code. Donc, la réalité est camouflée sous la vérité, puis la vérité est souvent camouflée sous le mensonge, puis celui qui a suffisamment de lucidité dans sa conscience peut parvenir à développer, donc à découvrir, donc à décoder les mécaniques de la réalité. Et si on a une petite salle ce soir, il y a probablement une raison. Et si on a une petite salle souvent, il y a probablement une raison. Et si les individus ont des problèmes dans leur vie, il y a aussi probablement des raisons. Et on peut apprendre à décoder. C'est ça que ça veut dire, décoder. Décoder, c'est de comprendre le sens réel. Interpréter ce que ça... Bon, ça veut dire comprendre la mécanique et sous-jacent ce qui nous arrive. Si on comprend la mécanique, on peut... Bon, les grands décodeurs du passé, en décodant certaines choses, ont fini par comprendre qu'il y avait une loi de rétribution, qu'on appelle la loi du karma. En décodant d'autres choses, on découvre subitement qu'on peut améliorer l'écologie, on peut détruire l'écologie, on peut faire ceci, on peut faire cela. Au niveau de la vie, c'est un peu la même chose. Au niveau de la vie psychologique des êtres humains, il y a un décodage, c'est-à-dire que les humains sont dans un engrenage, dans une mécanique. Et s'ils observent un peu plus ce qui leur arrive, non pas d'une façon émotive, c'est-à-dire pour se plaindre ou pour apprécier, mais si on observe ce qui nous arrive de façon à laisser notre cerveau, ou encore à laisser notre intelligence, la capacité de fouiller, de s'expandre tout seul à travers la vision d'un événement qui nous arrive, on peut parvenir à remonter à la source de l'événement, donc on peut parvenir à comprendre des mécaniques, ce qui va faire en sorte que si on comprend la mécanique, on pourra appliquer des changements chez nous. Appliquant des changements, on va changer d'engrenage. Changeant d'engrenage, on va régler les situations qui nous entourent. Donc, il y a un intérêt évident à apprendre à décoder un peu les événements de notre vie. Il y a différentes formes de décodage, évidemment, parce que l'homme ancien ou la femme ancienne ou l'enfant ancien doivent apprendre à décoder, à lire certains événements de leur vie, à les décoder d'une certaine façon. L'homme nouveau, la femme nouvelle, l'enfant nouveau doivent apprendre à lire dans un autre livre et à décoder d'une autre façon. Et les personnes qui sont transitives devraient apprendre à décoder dans les deux livres. Il y a trois formes de décodage selon le type de personne qu'on est, mais le problème, c'est qu'on peut passer d'homme... Ben, c'est pas un problème, c'est un état de fait. On peut passer d'homme ancien... Donc, il y a seulement deux formes. ...à transitif. Donc, il y a seulement deux formes. Comment il y en a seulement deux? Il y a celle de l'homme ancien et celle de l'homme nouveau. Ou tu appliques les deux ou tu n'appliques qu'une. Mais il y a celle de l'homme transitif aussi. Qui c'est celle d'appliquer les deux. Puis moi, ils s'endort déjà. Oui, mais est-ce que les deux... les deux mécaniques sont différentes ou les deux décodages sont différents, tu pourrais aussi dire n'en appliquer aucun des deux. Est-ce que quand tu es homme transitif, tu peux décoder quelque chose? Oui, pourquoi? Parce que tu vas décoder au niveau de ta santé, par exemple. La majorité du décodage événementiel chez l'homme ancien, c'est au niveau de son corps physique. La majorité du décodage. Et la majorité du décodage de l'homme nouveau, c'est au niveau de l'événementiel qui l'entoure. Donc, des événements qui vont l'entourer. Et de l'homme transitif, c'est les deux? Ça serait la santé, le corps physique, donc, et des événements qui l'entourent. Est-ce que c'est la réaction du corps physique par rapport aux événements? Non, c'est plus simple que ça. C'est rare que tu dis quelque chose de simple. Non, c'est parce que t'es souvent là pour les compliquer. Regarde. Si je n'étais pas là, ça prendrait 5 minutes pour faire une conférence. Au moins, je complique un peu. Probablement. Donc, si tu es un homme ancien, tu as besoin de boire de l'eau bleue. Si tu es un homme nouveau, tu as besoin de boire de l'eau rouge. Si tu es transitif, c'est pas une eau colorée, tu boiras et de l'eau bleue et de l'eau rouge. Mais il y a toujours deux sortes d'eau. OK. Bon. Alors, si tu es un homme ancien, tu devras décoder surtout en fonction de ton corps physique. Par exemple, tu es malade, ou encore tu as des faiblesses musculaires, ou encore tu dors moins bien. Et quand je parle du corps physique, je parle surtout de tout ce qui est à l'interne du corps physique. Ça peut être simplement tu dors mal, tu dors trop, tu es souvent colérique, tu t'ennuies. Décadage au niveau de l'homme ancien. Décadage au niveau de l'homme nouveau, ça va être les événements qui vont arriver. Accident d'automobile, panne d'automobile. Ça peut être problématique au niveau de la maison, au niveau des instruments de travail. Ça peut être des choses qui vont arriver chez ceux qui t'entourent. On va, de toute façon, on a une heure pour en parler. J'imagine que ça t'a arrangé pour qu'on étire ça comme il faut. Mais, ben c'est ça. Et le décodage de l'homme transitif ou de la femme transitive ou de l'enfant transitif, eh bien, c'est un décodage qui se fait sur les deux volets. C'est-à-dire que la personne, elle, par exemple, elle marche et à un moment donné, elle a une forme d'arthrite au niveau d'un genou qui vient, qui part, etc. Bon, ben, il y a probablement quelque chose à lire là-dedans, mais c'est une lecture typique de l'homme ancien. Mais est-ce que son mal de genou, justement, serait, dans ces cas-là, relié à un événement, puis quand l'événement est passé ou la compréhension de... C'est relié à ce qui se passe chez elle. C'est relié à sa façon de voir les choses. Tandis que chez l'homme ancien, ça resterait. Chez l'homme ancien, il faut faire attention. C'est un mal de genou, j'essaie de comprendre comme ça. Bon, c'est un mal de genou, puis t'es un homme ancien, tu vas l'avoir plus longtemps que si t'es transitif. Non, non. Ben, si c'est par ça que... Tu vas parler à vous autres, hein? Si vous avez un mal de genou... À eux autres. Moi, j'écoute pas, là. Ah, oh, ben écoute, mais parle pas. Bon. Si vous avez un mal de genou, il peut vous empêcher d'avancer, de marcher. Ça peut nuire. Ça peut aussi centrer votre attention, donc ça peut prendre beaucoup d'énergie pour, au lieu de la pouvoir la placer ailleurs, on la place sur notre mal de genou. On peut chialer, on peut souffrir, on peut, etc. Donc, on perd un peu d'énergie. L'homme ancien, s'il a un problème au niveau du genou, devra probablement comprendre qu'il a de la difficulté, il a une peur interne, il y a quelque chose au niveau de sa psychologie, ça peut être dans le conscient comme dans l'inconscient. Et le conscient, c'est l'inconscient qu'on a notre conscience. Donc, ça peut être dans le conscient ou dans l'inconscient un blocage qu'il a quelque part qui l'empêche d'avancer dans une démarche particulière. Ça peut être qu'il se cherche un emploi, ça peut être qu'il cherche à exprimer quelque chose, ça peut être qu'il cherche à changer quelque chose chez lui. Et s'il y a un problème au niveau de sa psychologie, ça peut s'exprimer par exemple par un boitage, par un mal de genou. Vu que c'est une articulation des jambes, les jambes sont ce qui normalement vont nous permettre un déplacement plus rapide, alors que les bras vont nous permettre une manutention. Donc, s'il aurait un problème à une épaule ou encore à un coude, un poignet, probablement qu'on devra décoder qu'il a de la difficulté au niveau de sa psychologie, qu'il y a des mécaniques qui viennent le bloquer dans sa transformation, dans la manipulation d'autrui, dans la manipulation de sa vie. Si, par contre, c'est au niveau des jambes, il devra décoder que c'est probablement beaucoup plus au niveau d'un avancement vers quelque chose. Ça peut être encore au niveau spirituel ou au niveau de conscientisation. Ça peut être au niveau du travail ou au niveau affectif. Il y a un phénomène à décoder. Si c'est un homme nouveau, et l'homme nouveau a mal aux genoux, normalement, si c'est un homme nouveau et qu'il a mal aux genoux, normalement, l'homme nouveau n'aura pas mal aux genoux. S'il a mal aux genoux, c'est parce qu'il a été frappé. Ça ne sera pas une question, disons, style arthritique ou encore une douleur qui provient par l'intérieur du corps. S'il est transitif, alors là, il peut y avoir effectivement chez lui une mécanique qui ne veut pas avancer. Ça va s'exprimer d'une façon particulière au niveau d'une pathologie ou encore d'un malaise physique. Et en même temps, c'est ça qui est la problématique chez celui qui est transitif, c'est qu'en même temps, si par exemple, il s'est frappé le genou, donc ou si quelqu'un l'a frappé, il y a un événement qui est venu bouger, et là, la personne devra maintenant essayer elle devra centrer son décodage, non pas sur « j'ai mal au genou, donc c'est parce qu'il y a quelque chose qui veut m'empêcher d'avancer ». La personne, si c'est un homme nouveau, donc normalement, n'aura pas mal au genou, devra centrer son décodage sur ce qui, dans l'extérieur, lui a amené le mal de genou. Alors, par exemple, un homme ancien qui, à un moment donné, perd son argent, devra probablement décoder qu'il a, chez lui, probablement plein de choses qu'on peut décoder. Normalement, celui qui perd son argent, la conscientisation, c'est pas un homme ancien, c'est une personne transitive. Si on prend celui qui est ancien, s'il perd son argent à un moment donné à la bourse, etc., on devra comprendre que c'est un être humain qui, au niveau de sa psychologie, refuse totalement d'accepter les choses qui sont neuves, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de supporter l'amélioration. De ce fait, il ne sera pas capable non plus de supporter l'amélioration financière. Si la personne se conscientise, et que se conscientiser ne veut pas dire si la personne assiste aux conférences de Daniel Kemp. Si la personne se conscientise, ça veut dire que si la personne, à un moment donné, finit par découvrir que peut-être qu'il n'y a pas juste les affaires dans la vie, que peut-être qu'il n'y a pas juste telle ou telle ou telle chose dans la vie, si la personne commence à avoir une vision plus ou moins neuve de certaines vieilles choses, elle est conscientisable, donc elle fait partie du processus transitif. Elle peut être assujettie à un décodage d'homme nouveau, donc elle perd son argent, elle devra peut-être décoder maintenant que si elle perd son argent, c'est parce que probablement qu'elle reçoit de l'énergie, cette énergie-là, elle n'est pas capable de la conserver, donc il y a une fuite. Maintenant, ce qu'on doit comprendre dans le décodage, souvent... Tu me diras quand je peux commencer à parler. Quand tu voudras. Ah, merci. J'avais rien dit. C'est bien ce que je pensais. Alors, quand la personne, une personne qui se conscientise lorsqu'elle commence à décoder, la première chose extrêmement intéressante et utile à comprendre au niveau du décodage, c'est, et je connais des individus qui sont des princes en potentiel, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils auront du temps et de l'argent, donc de la richesse planétaire, parce que la seule richesse qu'on peut avoir sur le plan planétaire, c'est de la matière et du temps, de façon à être libéré de toutes les attributions évolutives données à l'animal humain pour avoir toute l'énergie nécessaire pour vivre une vraie conscientisation. Alors, dans l'Antiquité, on pensait à la pauvreté. Si tu étais totalement pauvre, il n'y a plus de problème. Mais en réalité, c'est si tu es totalement riche qu'il n'y a plus de problème. Alors, la personne qui se conscientise, la personne qui avance, elle doit comprendre une seule chose, qui est une chose qui est extrêmement importante, c'est que vous avez des problèmes dans la vie. Ça peut être des problèmes au niveau de la santé, ça peut être des problèmes au niveau du corps, ça peut être des problèmes aussi au niveau de l'événementiel. Par exemple, ça fait 4 fois que vous perdez votre emploi en une semaine. Si vous êtes un être humain qui se conscientise, il y a un événementiel à comprendre là, il y a un décodage à faire là. Mais ce qu'on doit donc comprendre, c'est qu'on ne doit pas, par exemple, vouloir changer quelque chose dans le but d'avoir un emploi. Et c'est ce qui arrive aussi souvent chez l'homme ancien. C'est qu'il va vouloir changer quelque chose dans le but de ne plus avoir mal à son mot du genou. Et comme la vision de l'homme, de la femme et de l'enfant sur la planète ici est à peu près uniquement curatif, alors on va essayer d'éliminer le mal de genou. Je prends un médicament, j'ai plus mal au genou. Si à un moment donné, on comprend que c'est peut-être un décodage que tu devrais faire chez toi, la personne va se dire, bon, ben alors qu'est-ce que j'aurais à comprendre pour plus avoir mal au genou? Et encore là, on vise mal, on n'a rien compris. Qu'est-ce que j'aurais à comprendre pour avoir un emploi? N'a rien compris non plus. Pourquoi? Parce que ton corps physique sert de baromètre au niveau de ta conscientisation et l'événementiel sert de baromètre au niveau de ta conscientisation. Vous n'êtes pas sur la planète Terre pour en avoir pas mal aux genoux. Vous n'êtes pas sur la planète pour avoir un emploi. Et c'est pas le bon but, on vise pas la bonne chose. L'homme, la femme, l'enfant va souvent centrer toute son activité en fonction de perdre la sensation de ses baromètres. Exactement comme si tu as mal aux dents, c'est parce que mécaniquement, il y a des conneries que tu fais au niveau de ton alimentation. Avoir un bon emploi, un bon corps physique, c'est-à-dire en bonne forme physique, tout ça, ça devrait être des effets secondaires de ce qu'on devrait viser. On devrait viser quoi pour avoir ça comme effet secondaire? Est-ce qu'on doit viser quelque chose, probablement? Bon. Alors, j'ai connu une personne qui, depuis des années, perd de l'argent et en fait perdre aux autres. Bon. Si vous voulez, je peux vous la présenter après. C'était pas toi. C'était non, pas non, toi. Je sais, j'ai regardé s'il y avait quelqu'un derrière. OK. Tu l'as connu, toi? Oui, je l'ai connu. Je le sentais proche. Dernièrement, je parle avec cette personne et elle est présentement sur un vecteur absolument formidable pour pouvoir se libérer matériellement, donc pour pouvoir faire quelques piastres, plusieurs centaines de milliers à plusieurs millions. Il y a une chose, c'est que pour faire son travail, elle doit rencontrer des personnes. Et les personnes doivent s'associer. Les personnes qu'elle devait rencontrer sont tous associées. Des personnes qu'elle ne connaissait pas. Il y en a qui s'associent à 500 000, il y en a qui s'associent à 800 000, les gens s'associent. Alors, on peut constater que dans l'événementiel, s'il est capable de ramasser aussi rapidement des gens qu'il ne connaît pas avec autant d'argent, c'est probablement qu'il y a quelque chose de bien. Et là, maintenant, un vecteur, un phénomène qui lui est arrivé il y a quelques années, recommence. Les personnes, subitement, telle date, 1er janvier par exemple, eh bien, on va faire un chèque. Et puis, 1er janvier, eh bien là, écoute, la maison que je devais vendre, le gars qui devait l'acheter, ben, il a décidé qu'il ne l'achetait plus. Puis là, faut que je le poursuive. Puis bon. Le deuxième, c'est ça. Là, moi, je devais recevoir telle affaire, c'est du gouvernement. C'est garanti, je vais l'avoir. Mais là, subitement, je l'ai poursu. Je les ai appelés. Puis là, ils ne comprennent pas. Puis bon. Voilà. Tout 100% de ceux qui doivent s'associer sont toujours d'accord, puis il n'y en a plus un seul qui peut bouger de l'argent. Il m'a déjà fait mourir. Oui. J'ai déjà eu un rendez-vous avec ce même bonhomme-là à New York, avec quelqu'un qui devait rencontrer, puis il est mort la veille. Eh oui. Puis il y en a un autre, à un moment donné, avec qui, quand je suis avec lui, il se dit, bon, je vais appeler mes amis qui restent à je ne sais plus quelle place, Dallas, et puis lui, il va embarquer automatiquement. Il téléphone 2-3 jours après pour apprendre que son ami était aux soins intensifs à l'hôpital, parce qu'il y avait une poursuite de police, il y a une autopatrouille qui est passée sa feu rouge, puis qui est rentré carrément dans le char du gars. Le gars est en petits morceaux, d'ailleurs, il était dans la chambre 502, 503, 504. Et puis, c'est ça, le bonhomme était amoché. Alors, je lui ai expliqué, à un moment donné, je lui ai dit, écoute, tant que t'as pas trouvé chez toi ce qui devait changer, cesse de demander l'aide d'autrui, parce qu'il y en a, tu vois... C'est eux autres qui se font détruire l'alentour. Parce que ce bonhomme-là est un personnage extrêmement important pour les temps qui vont venir. Sauf que présentement, il est dans il est plafonné, dans une compréhension de certaines choses, et il ne décode pas convenablement les événements. Donc, ce personnage-là, on parle de décodage. Pourquoi, subitement, à chaque fois que tout va bien, c'est toujours de la même façon que tout va mal? Il y a quelque chose à décoder. Alors moi, je lui explique, je lui dis, écoute, il y a une chose qu'il faut que tu changes chez toi. Mais dis, écoute, je peux pas. Quand j'aurai de quoi manger, après ça, je pourrais m'asseoir pour changer quelque chose chez moi. C'est logique. Mais c'est un homme transitif. Il est associé aux lois de l'homme nouveau, ce qui fait que ce qu'il vient de dire là est faux. Mais s'il serait associé uniquement aux lois de l'homme ancien, il aurait raison. Et on doit apprendre à passer dans l'autre ère, dans l'autre race. On est, si on se conscientise le moindrement, assujetti aux deux lois. Puis les deux lois, au départ, sont des lois condamnatrices. Bon, ils ne préservent pas, condamnent. Un peu comme, par exemple, dans l'ère ancienne, disons, vous devez chanter pour avoir la paix. Si vous ne chantez pas, on vous punit. Dans l'ère nouvelle, vous devez parler pour avoir la paix. Si vous ne parlez pas, on vous punit. Dans l'ère ancienne, si vous parlez, on vous punit. Dans l'ère nouvelle, si vous chantez, on vous punit. Alors, comme tu es transitif, si tu ne chantes pas, l'ère ancienne te punit. Puis l'ère nouvelle ne te punit pas. Maintenant, il faut que tu parles. Mais si tu parles, l'ère ancienne te punit encore. Donc, tu ne parles pas, mais là, c'est l'ère nouvelle qui te punit. Fait que tu es toujours puni. Oui. Quand t'es homme ancien, tu es d'un côté de la rue. Homme nouveau, tu es de l'autre bord. Puis homme transitif, c'est ça. Les gens puis tu fais frapper par tout c'est le monde. C'est ça. T'es en plein milieu de la rue, puis c'est tout en l'air. Mais comment tu fais pour t'enlever de là? Tu décodes. Mais tu peux pas décoder. T'as les deux en tout cas, tu décolles. Ouais, tu décolles. Il faut appliquer ce que l'on entend, ce que l'on sait. Vous savez que la majorité des choses que vous comprenez à travers ma parole sont des choses que vous savez déjà, mais que vous n'écoutez pas. Puis avec, OK, j'ai les mots pour dire des choses, etc., mais on ne comprend jamais de quelqu'un d'autre quelque chose qu'on n'a pas déjà chez soi. Puis pourtant, si on réussit à comprendre quand tu le dis, on devrait comprendre quand on se parle, parce qu'on est plus facile oui. à comprendre. Sauf que ce qui va arriver souvent, c'est que l'humain est orchestré sur la médiocratie. Alors même s'il comprend mieux parce qu'il parle plus lentement, par exemple, il ne se fait pas confiance. Il n'est pas capable de supporter ce qu'il se dit. C'est vrai, on a besoin d'énergie de l'extérieur. On va pas se fier à nos paroles simples et faciles qu'on a compris. Il faut que ça vienne comme un coup de poing ou énergétiquement. Oui, qui êtes-vous pour vous faire confiance? C'est bien plus facile de faire confiance à quelqu'un d'autre qui lui y est rien. Parce que lui non plus, il ne fait pas confiance. Quand un psychologue a des problèmes, il consulte. Parce que... Il sait ce qu'il a appris. Mais comment on fait là, pour passer d'un à l'autre? Tu dis on décolle. Il faut commencer par décoder. C'est ça qu'il y a l'affaire. C'est que l'humain veut toujours se débarrasser encore. Tu vois, il y a des problèmes dans telle structure d'évolution. Comment on fait pour plus en avoir? Ben, c'est normal. C'est peut-être normal. Ce n'est pas la façon de procéder. Mais quand tu es transitif, faut que tu vises quoi pour devenir un homme nouveau? Tu peux pas viser devenir un homme nouveau? Vise absolument rien. On n'a rien à foutre de l'homme nouveau. Tu veux juste avoir la paix quand tu... L'homme nouveau, c'est un concept pour parler. c'est ça. Bon, c'est évident qu'il y a une différence entre certains humains. C'est comme, par exemple, une femme et un homme, c'est différent. Mais la femme qui vise à être une femme, franchement, n'a rien à faire. Qu'elle vise donc à être elle-même. L'homme qui vise à être un homme n'a rien à faire non plus. Elle va s'assujettir ou il va s'assujettir à la vision collective de ce que c'est qu'un homme ou une femme. Donc, elle ne sera jamais d'autre qu'un robot robotisé. On n'y arrive pas. L'humain, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit simplement comprendre que sa démarche d'évolution, sa démarche de conscientisation, bref, sa vie, est déterminée par ce qu'il va exprimer, ce qu'il va accepter ou ce qu'il va être capable de supporter de conscience. Bon, si on résume simplement du point de vue pratique, c'est que quand il vous arrive des conneries, parce que quand ça va bien, on peut se permettre de décoder, c'est correct. Est-ce qu'on ne devrait pas décoder aussi quand ça va bien? C'est pas nécessaire. Non, on passera notre temps à décoder pour rien. Oui, c'est ça. Puis le décodage, évidemment, c'est pas faire du Sherlock Holmes de l'évolution. Là, avec ta grosse loupe, pour chercher le moindre main, là, t'as un nouveau bouton qui vient de sortir. Le chien a jappé trois fois, il doit se passer quelque chose. Oui, exactement. C'est ça. Tu sais, j'ai pilé sur la queue du chat, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est le chat qui devrait se poser la question pour les autres. Regarde pas. L'homme avec un grand H, ce qu'il doit faire, c'est que il a mal au genou. Alors, il doit simplement savoir que quelque chose qu'il sait n'est pas appliqué. Et la personne va dire, oui, mais quelque chose que je sais, c'est quoi? Quand je parlais avec mon grand Zygoumar, je lui dis, il y a une chose chez toi qu'il faut que tu changes. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il faut que je change? Tu sais, je le saurais, au moins si je le saurais. Alors, je lui dis, tu le sais. Je dis, je le sais. Tu sais, écoute, j'ai pas le temps, je peux pas. Je sais, mais à un moment donné, ça fait 2 ans là, que tu t'es sorti de ton dernier trou. Pendant 2 ans, t'as pas eu le temps non plus. Puis t'auras jamais le temps. L'humain n'aura jamais le temps. C'est comme, par exemple, avez-vous le temps de vous reposer? Alors, on n'a pas le temps, ben, trop occupé. Puis lui, je lui ai dit souvent, à un moment donné, tu vas te reposer à l'hôpital. Le temps, tu veux pas, tu devras le prendre. Et c'est facile de dire, oui, mais je ne peux pas présentement. Donc, quand vous faites un infarctus, vous ne pouvez pas plus présentement, mais vous le prenez. Alors, autant le prendre quand on peut pas, chez soi, aller quoi écouter un film. Mais est-ce que ça prend vraiment du temps à décoder que... Ça prend pas de temps à décoder si on s'entraîne à décoder. Alors, qu'est-ce que mon individu doit décoder? Alors, il doit simplement regarder ce qu'il fait encore, qui, selon lui, ne devrait pas être fait. Pas un décodage d'homme d'affaires. Comprenez bien l'idée. Vous êtes malade, c'est pas un décodage de médecin ou de médecin naturel que vous devez faire. Vous devez simplement observer chez vous qu'est-ce qui ne vous plaît pas chez vous. Et après ça, moi, je lui explique que lui, son gros problème, c'est que quand il va avoir de l'argent, il veut aider tout le monde. Il veut faire ceci, il veut faire cela. Puis j'ai beau lui dire, quand tu vas avoir de l'argent, par exemple, il y a des individus qui sont associés en affaires avec toi, vous avez tous perdu. Toi, là, quand tu vas avoir de l'argent, tu veux toutes les rembourser. Mais s'il y en a qui avaient à apprendre ou qui avaient du karma à payer en perdant leur argent, ben, t'as été l'outil. Si maintenant, tu en fais, puis tu leur rachètes leur karma, tu leur nuis, ben, tu n'auras pas d'argent tant que tu fais comme ça. Après ça, il y a telle ou telle personne que tu dis, oui, mais lui, gars, il fait du bien, c'est un gars génial, il faudrait que, tu sais, j'aurais un petit peu d'argent. C'est pas un 50 000 qui, tu sais, il pourrait. Ce gars-là, là, il est en train d'évoluer parce qu'il apprend à travailler à travers ses misères. Si tu veux donner 50 000 $, tu viens de tuer un individu formidablement génial. Pas physiquement, mais au niveau d'évolution. Il devra dépenser le 50 000 pour après se recommencer à avancer. Mais oui, mais tabarouette, on peut faire de l'argent pour rien. Oui, faites de l'argent, puis mets-le en banque. La journée que ce sera le temps, on saura, je saurai qu'elle est voie. Parce que moi, je n'ai pas de temps à travailler, faire de l'argent. Puis là, après ça, il me dit, tu sais, parce qu'il change de sujet souvent, et je me suis fait faire la numérologie, puis apparemment que mes affaires vont commencer à fonctionner en juillet. Puis après ça, j'étais voir une astrologue. Puis elle m'a dit la même chose. Sauf qu'elle m'a dit que j'étais trop spirituel. Fallait que je sois moins spirituel, par exemple. Sinon, ça ne passerait pas. Là, j'ai dit, maudit que t'es nouille. C'est ça, je viens de te dire. Tu veux aider tout le monde, tu veux, t'es trop spirituel, mais ça, je t'ai déjà dit il y a 2 ans, je t'ai déjà dit il y a 3 ans, je t'ai dit que jamais t'aurais d'argent tant que tu serais spirituel. Oui, mais je peux pas me foutre du monde! Écoute, est-ce que t'es un gars qui va se foutre du monde? Non. Bon, mais cesse de penser à donner à tout le monde. Commence donc à penser simplement à régler tes cossins. le décodage était là. Là, lui va me dire, tu penses que si, à un moment donné, je décide que je ne rembourse plus ceux à qui j'ai emprunté à un moment donné, que subitement, on va commencer à faire de l'argent. C'est quoi le rapport entre un et l'autre? Ça, c'est le point le plus fondamental qu'on doit retenir au niveau du décodage, c'est qu'il n'y a pas, il n'y a pas de rapport apparent. Exactement comme, par exemple, vous êtes malade. Grosso modo, là, complètement malade. Vous avez presque une septicémie. Vous êtes malade. Et à un moment donné, on va vous dire, écoutez, vous devriez aller voir un dentiste, vous avez deux dents cariées, faites-le ôter. Ben, c'est sur vous le rapport, tu sais, entre mon arthrite, mon mal de dos, puis mes ci, puis mes ça. Ben, t'empoisonnes carrément ton corps physique avec la pourriture que là, puis tu manges régulièrement avec ça. C'est un peu comme encore la personne qui... une personne qui se stresse, par exemple, hein? Vous avez des problèmes cardiaques, c'est à cause que vous écoutez le hockey, puis vous prenez ce trois quarts. Mais aujourd'hui, on commence à se rendre compte qu'il y a des relations. Mais moi, je dis franchement, retournons vers le 30 ans, puis aller dire à une personne qu'elle a des problèmes de foie uniquement parce qu'elle marche mal sur son pied gauche, bien, ça peut être ça. Bon, maintenant, on commence à se rendre compte qu'il y a des relations qui sont vraiment, vraiment, vraiment compliquées et qui vont faire en sorte qu'une personne a mal à la tête uniquement parce que ses yeux sont fatigués. Bon, puis si elle fait des exercices oculaires ou des rotations de la tête, lentement, le mal de tête va finir par s'en aller. Bon, il y a des relations qu'on connaît au niveau acupunctural maintenant, donc au niveau énergétique, d'autres au niveau physiologique, anatomique. C'est la même chose au niveau de ça. Oui. Est-ce qu'à toutes les fois qu'il y a un problème ou un mal physique ou quelque chose de particulier qui nous arrive, il y a vraiment quelque chose à décoder ou si dans une vie... Comprenons ce qu'il y a à décoder. Il y a un certain nombre de problèmes qu'on va avoir de toute façon, qu'on soit ancien, nouveau ou transitif. Est-ce que c'est vrai qu'on doit passer par une certaine série d'étapes? Non. J'ai fouillé comme il faut. Là, on a déjà parlé d'une conférence, il n'y a pas tellement longtemps. Puis l'être humain sur la planète n'est pas un sujet de souffrir. Il le fait uniquement par habitude. Il n'est pas un sujet de souffrir. Ça ne fait pas partie des lois de la conscientisation, la souffrance humaine. Ça fait partie des lois de l'évolution. Ça fait partie des lois de l'évolution adaptative. L'humain s'adapte par souffrance. L'humain fuit la souffrance et recherche le plaisir. Mais ce n'est pas ascensionnel, ce n'est pas évolutif. Le Romain n'était pas moins évolué que le sont la majorité des citoyens sur la planète. Par contre, l'être humain a aussi une capacité de conscientisation, c'est-à-dire qu'au lieu de s'adapter, il va adapter les choses, il va améliorer les choses, donc une évolution améliorative. Ça ne demande pas de souffrance. Sauf que l'on s'endort trop souvent. 80% du temps humain est orchestré sur une seule idée, c'est se distraire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se rendre jusqu'à l'heure de sa mort en n'ayant pas trop pris conscience qu'on vivait. C'est ça la distraction. Passer le temps. Mais on a des passe-temps. Bien, on meurt lentement. Passe le temps. On finit de travailler et on dit, ah, enfin une autre de finie. Non, j'ai une journée de moins à vivre. On est tout content. L'humain ne se sert pas de sa vie, l'humain fuit sa vie. Bon, alors on en a déjà parlé quand même quelques fois dans la dernière conférence. L'humain n'est pas assujetti à souffrir, mais l'humain souffre parce que l'humain est assujetti à des mécaniques qui ne se rapportent pas à lui. Donc, t'as rendu compte que les animaux ne souffrent pas comme l'homme? Je me suis déjà posé sérieusement la question, parce qu'on dit souvent, on va regarder un chien domestique, on trouve qu'il fait une belle vie, tu es couché à côté du foyer, ouais, pas trop de problèmes. Oui, il y a une vie de chien. Puis on dit, quelle vie de chien, mais dans le fond, est-ce qu'eux autres, à leur niveau de conscience, ils en ont peut-être des problèmes que je connais pas? Non. Non, c'est une projection spirituelle. De penser que quand tu crasses un crapaud avec ton automobile, il a souffert. Il n'y a pas les structures pour souffrir. Le chevreuil, quand un loup l'attaque puis le tue, il ne souffre pas. Avec la souffrance. Il n'y a pas les structures pour souffrir. Psychologique et réellement humaine. Imaginez que vous restez dans la forêt, tu restes dans la forêt, et tu es l'aliment idéal et favori des loups. C'est plein de loups. Et à partir d'une certaine date, tu es la proie favori des chasseurs. Imaginez que vous êtes comme ça, en pleine forêt, et vous avez à l'année longue à survivre pendant l'hiver. Vous mangez des feuilles, il n'en reste plus trop. Vous vous faites chasser pendant l'automne, puis le reste de l'année, vous servez de nourriture. Quel genre de vie allez-vous vivre? Vous allez être stressé en torieux. Le chevreuil, lui, s'il vient de se faire poursuivre, il vient de s'échapper. Puis une demi-heure après, il est aussi heureux qu'avant, il mange, il continue, puis aucun problème, aucun stress. Puis s'il se fait ramasser, puis ils sont trois chevreuils, il y en a deux qui se poussent, puis l'autre, il se fait égorger par un loup. Les deux autres, après, vont continuer. Ils n'ont pas le même stress qu'on a là. Bon, je ne suis pas plus pour la chasse. Ce que j'explique simplement, c'est que l'animal ne souffre pas comme nous souffrons. La libellule qui ramasse un insecte, l'insecte dans sa gueule ne souffre pas trop. La libellule qui se fait ramasser par une grenouille, la libellule, il ne souffre pas trop. Puis quand un petit serpent ou une couleuvre ramasse la grenouille, elle ne souffre pas trop. On n'aurait pas à souffrir, nous autres non plus. Non. En tant comme nouveau. Ça. Non. Donc, à toutes les fois qu'on souffre, il faut décoder. Notre souffrance nous permet d'alimenter le monde de la mort, d'alimenter les dieux qui ont été créés à l'image et la ressemblance de l'homme par l'homme, et ça permet d'alimenter ça. Ça permet à l'humain de rester assujetti à une évolution rampante. Ça permet à l'humain de passer sa vie à vouloir fuir, donc à se sentir honteux, coupable, à demander pardon pour tout ce qu'il n'a pas fait. Parce qu'il est manipulé, c'est pas lui qui fait les choses. Et ce n'est pas de l'évolution. Ben, ça c'est de l'évolution, ce n'est pas de la conscientisation. L'être humain qui se conscientise n'est pas assujetti à la souffrance. Sauf que, pour permettre la souffrance chez l'humain, on va instaurer le désir. Et en même temps, on va le faire supporter par l'idée du libre-arbitre. Donc, c'est du mensonge cosmique, de l'illusion. Ce que l'humain doit faire, simplement, c'est que chaque fois qu'une chose ne va pas, si c'est un homme ancien ou une personne transitive, chaque fois qu'une chose ne va pas dans votre corps physique, vous devriez vous arrêter un petit peu et observer simplement qu'est-ce qui, chez vous, aurait intérêt à être amélioré. Pas pour améliorer l'état du corps physique. Ce qui, chez vous, en vous détachant du corps physique, devrait être amélioré. Prenons l'exemple. De l'âge de 12 ans aller jusqu'à maintenant, si vous auriez appliqué tout ce que vous avez su au fur et à mesure que vous le saviez, vous seriez très différent. Et souvent on dit, oui, mais la vie c'est long, on n'a pas le temps, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Un être humain peut totalement changer en dedans d'une semaine. Mais il ne doit pas appliquer spirituellement les choses. Spirituellement, ça veut dire qu'il ne doit pas appliquer les choses en fonction d'un plaisir émotif. Il ne doit pas appliquer les choses en fonction de la recherche d'une béatitude ou de la fuite d'un problème. C'est une attitude qui doit être développée ou changée? Oui. Il y a des choses que nous faisons... Bon, c'est sûr qu'on n'aura pas le temps de tout couvrir la mécanique du décodage, enfin les interactions, parce que plus vous allez être puissant énergétiquement, plus votre manque de décodage va nuire à l'extérieur. Sauf que l'humain ne doit pas se dire, ah oui, bien là, crime de mort, il faut que je change, parce que là, si je comprends, c'est moi qui nuis à... On ne change pas parce qu'on nuit à... On ne change pas parce qu'on a un problème physique, on ne change pas parce qu'on a un problème financier. On change parce que ça, c'est un symptôme qui nous fait dire qu'on n'est pas dans le bon chemin. Simplement. Et si on rectifie le chemin, tout va se placer. Je le sais par expérience, je l'ai essayé, je l'ai expérimenté, ça fonctionne. Il y en a d'autres qui ont tendance à faire cela et ça fonctionne. L'humain doit se placer. C'est évident que vous allez dire, oui, mais regarde, j'ai changé trois choses, ça n'a rien changé. Ça fait combien d'années que tu es dans les problèmes? Ça fait 7 ans. C'est ça, tu as peut-être 80 affaires à changer. Et si on le fait au fur et à mesure, on le voit. Mais le problème de l'humain, c'est que l'humain est en grosse portion mémorielle et il s'adapte à ses misères. Mais c'est le problème aussi, c'est que si on a une mauvaise attitude, entre guillemets, c'est-à-dire une attitude qui finit par nous faire du tort, on s'en rend pas compte nécessairement la journée où on applique. Parce qu'on n'est pas vivant, parce qu'on n'est pas là. On devrait le voir. Absolument. Regardez ceci. Est-ce que plus on avance vers l'homme nouveau, justement, on peut regarder ça tout à l'heure. Est-ce que plus on avance vers l'homme nouveau, plus on le sait tout de suite? Ceux que je connais qui sont en conscientisation disent qu'avant, il y avait le karma d'un geste. Ils posaient un geste, puis peut-être 6 mois, 1 an après ou 2 ans après, il y en avait des conséquences, puis ils pouvaient voir que ça venait de ce geste-là. Puis qu'aujourd'hui, ils font quelque chose à 9h le matin, puis à 9h30, ils l'ont en face. C'est de plus en plus près que la Au niveau de l'homme nouveau, oui. Pourquoi? Parce que tu as de plus en plus tendance à échapper aux lois de l'homme ancien. Donc, nécessairement, les mécaniques karmiques, parce que le karma n'existe plus chez l'homme nouveau, les mécaniques karmiques devront donc être appliquées plus rapidement. Juste un petit détour au niveau du karma, parce que c'est important de comprendre l'idée. Si vous avez des habitudes sociales et collectives, disons par exemple que vous avez une habitude, ça va être celle de faire du vol à l'étalage, c'est évident que karmiquement, un jour, vous aurez à payer pour. La problématique, c'est que s'il y a 1 million de personnes qui font du vol à l'étalage, les 1 million de personnes, ça se jetait sur un karma collectif. Sur les 1 million, il y en a 100 000 qui meurent avant d'avoir payé pour. Les 900 000 qui restent vont payer leur karma plus le karma réparti des 100 000 autres. Plus l'être humain adopte des attitudes collectives, plus il s'assujettit à payer un karma qui est un karma collectif, donc il n'est même pas adressé à lui. Maintenant, vous payez du karma, vous avez un problème. Vous avez une crevaison, l'automobile, hein? Le pneu a une crevaison en vous en allant quelque part. Il fait moins 20 sous zéro, puis vous êtes en pleine campagne la nuit. Puis, des bons citoyens qui passent sur la route, fait que les autres, ils sont sûrs que vous allez les attaquer, fait qu'ils n'arrêtent pas. Bon. Là, vous vous dites, est-ce que je paye du karma ou pas? De toute façon, vous devriez simplement essayer de réparer le pneu. Ce serait la première chose à faire. Mais la roue de secours qu'on a dans le coffre arrière, elle est dégonflée. Comme d'habitude. Voilà. Alors encore, vous n'avez jamais appris comment c'était, puis en plus, ça fait 5 ans, vous avez l'automobile, puis vous ne savez même pas ce qu'est la roue de secours. En tout cas, l'outil pour lever l'auto, ça, on ne l'a pas. Vous parvenez, disons, à le lever, mais la jante reste collée après l'essieu, ce qui fait qu'on ne peut pas décoller la roue, c'est trop froid. Là, on a à décoder quoi? Encore une fois, on se démerde pour survivre. Sachez une chose, vous êtes sur la planète Terre, et vous serez, tant que vous ne serez pas suffisamment centré dans votre intelligence, vous allez être assujetti à une loi de prédateur. Les événements cherchent à tuer. Les animaux cherchent à tuer et l'homme cherche à tuer. On est des prédateurs. Hein? Sur la planète encore, il y en a qui veulent conquérir le territoire de d'autres, on veut ramasser les biens des autres, on est des prédateurs. En plus, on est obligé de manger de la viande. Alors, on est encore assujetti à même les plantes ou la viande. Tant qu'on est obligé de s'alimenter comme ça, on reste un prédateur. Alors, l'humain s'arrange pour survivre. Une fois qu'il est rendu chez lui, une fois qu'il est dans le camion remorque, ces choses-là, une fois que ça va un peu mieux, Il peut se poser la question, mais il faudrait qu'il le fasse immédiatement. Il devrait même jamais chialer. Parce que ça vous est déjà arrivé, des petits pépins comme ça. Et puis, vous n'en êtes pas mort, hein? Alors, ça ne valait vraiment pas peine de chialer. Ça n'a jamais rien changé. Vous avez perdu du temps et de l'énergie. Votre vie est beaucoup plus importante que ça. Alors, l'humain se dit, bon, ben, ça, c'est quoi l'idée? Mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à décoder? Tu fais la raison. Mais moi, dire une chose, c'est que l'être humain, bon, la vie, c'est un immense jeu de cartes. C'est un jeu de tarot. La vie, c'est une immense tasse de café ou tasse de thé. Bon, c'est des les marques de thé. La vie, c'est un immense intestin. C'est pas vraiment des masses que vous faites, puisqu'il y en a qui oublient de le vendre des animaux pour voir l'avenir. T'sais. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Regardez ceci. Ta question, elle est plate. Pourquoi? Parce que tu n'aurais pas dû la poser. Ah, ben parce que ça non, peut... Non, c'est quand on me fait des choses, hein, parce que je ne voulais pas dire, en tout cas. Dis-le. Ouais, c'est pas le même choix. C'est que tous les événements de la vie ne sont pas là pour nous enseigner quoi que ce soit. On va décoder quoi d'abord si nous enseigne à vie? Voilà. Par contre, présentement, l'humain est tellement refroidi qu'il a besoin d'un jeu de cartes pour connaître ce qu'il sait. Bon. Ça veut dire que, par exemple, moi, je prends ici le napperon et puis pose-moi une question. Je vais connaître, je vais découvrir son avenir. Pose-moi une question. Je vais lire dans le papier. Vas-y. Une question par rapport à... Ah, là, une question. Ouais. C'est compliqué, l'humain. Pourquoi tu fais une crevaison d'aujourd'hui du matin, t'as dit le coucher? Non, une question réelle sur ta vie, là. Ah, sur ma vie à moi? Bon, oui, sur la vie de quelqu'un d'autre. Quelqu'un t'aime pas, là. À quel âge je vais mourir dans cette vie-là? Question facile. C'est lui qui désire. Le papier ici me fait répondre que tu vas probablement mourir presque à tous les jours de ta vie. Et là, quelqu'un va dire, ouais, mais ça, c'est bien évident. C'est bien évident. C'est ce que le papier me donne comme réponse. À quoi me sert le papier? Le papier me sert simplement à centrer mon attention sur une vision. Je m'en sers après ça ici pour pouvoir m'aider à former dans la conscience astrale planétaire une réponse. Et par la suite, si je me fie à mon intuition, si je laisse le processus s'enclencher, parce que je suis voyant, je vais immédiatement avoir une réponse qui me vient, qui va être une réponse qui a été celle-là. Pourquoi? Parce que regarde, le papier est déchiré de tout partout, il est plissé de tout partout. Ta question me fait dire que tu vas probablement mourir tous les jours de ta vie. As-tu passé à quelque chose d'autre? Je prends... Bon, à un moment donné, j'avais pas d'argent, moi non plus. Alors, je ramassais les vidanges sur les coins de rue, à 6 heures du matin, pour qu'on me reconnaisse, parce que j'animais une émission de télévision en même temps. Et puis, on allait au marché aux puces vendre ça. Et parce que mes vidanges, puis les poubelles des voisins, ça ne vendait pas trop au marché aux puces, et peut-être qu'ils reconnaissaient les affaires, mais ils ne voulaient pas les acheter. Et à un moment donné, eh bien, je sors un jeu de tarot, puis je me fais une petite boîte, puis je mets un tirage aux cartes, 5$, et puis là, je commence à tirer comme ça. Et j'ai passé ça à 10$ à un moment donné. Enfin, ma femme a passé ça à 10$. Et puis, il y avait du monde. Moi, je savais très bien que j'avais pas besoin des cartes. Personne ne se soignait en avant de moi, là, puis après ça, je disais ce qu'il fallait qu'elle sache. J'avais pas besoin des cartes. Mais elle avait besoin que j'aille des cartes. Parce que vous payez, vous faites tirer aux cartes. Pas pour que l'autre vous parle. Fait que je sortais des cartes. Après ça, je disais, ah, il va vous arriver ceci, vous faites ceci, de tel problème, telle affaire. Je ne parlais pas trop de l'avenir. Souvent, je leur prédisais le passé. Comme ça, là, ils voyaient que j'avais raison. Et puis après ça, je leur expliquais qu'est-ce qu'il n'y allait pas. Faites de l'argent avec ça. Je suis content qu'une carte mancienne se pointe au marché aux puces, puis un cartomancien, puis etc. Fait que là, je me suis dit, écoute, là, plus qu'un, on est collectif, ça me tente plus. Bon. C'est-à-dire que la forme, l'outil utilisé, c'est juste un... Bon, moi, je vous regarde ici, là, puis je regarde, par exemple, votre chandail, la façon dont il est placé, puis je peux vous dire des choses sur votre vie. Bon, je regarde comment vous remplacez vos cheveux, seront ceux qui ont de l'électricité statique dedans, une côte qui est passée là, une côte qui est passée là. Tu vois, moi, je ne peux pas savoir grand-chose sur mon avenir avec mes cheveux, bon. Et on sait. C'est un homme secret. La vie, c'est la même chose. La personne, elle a eu une crevaison, alors elle se sent sur sa crevaison et puis elle attend que quelque chose vienne. On va se servir de tous les événements de la vie pour apprendre à connaître des choses. Et l'avantage qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, on arrive à un niveau où certains événements ne peuvent pas arriver à ceux qui sont de ce niveau-là. Donc, tu n'auras plus ces problèmes-là. En ta crevaison, à moins 20, tout seul, est-ce que, de temps en temps, quand tu n'as pas suffisamment d'énergie, quand tu te ramasses seul, as-tu encore beaucoup de difficultés à assumer ta solitude? Es-tu une personne qui te déprime rapidement, qui perd énormément ton air, qui se dégonfle, quoi? Qui, quand les événements semblent lointains, perdus, noirs, obscurs, quand tu ne sais pas trop où tu vas, quand tu ne comprends plus la mécanique de ta vie, es-tu une personne qui a encore beaucoup besoin de l'aide d'autrui, qui fonctionne mieux quand tout est chaud? Là, c'est un copneux, là, parce qu'il faisait moins 20, l'air se condense, se concentre, et puis peut-être qu'à un moment donné, ben, si c'était une jante en magnésium, ben, à un moment donné, le pneu est plus assez gonflé, ce qui fait que t'as une fuite, tout décolle. C'est la nuit. Mais c'est dans ce sens-là, tantôt, que je te posais la question, justement, que tu viens de donner, l'explication mécanique, la jante se réduit, puis le pneu laisse sortir l'air. Est-ce qu'on pourrait pas dire ça, c'est la raison? Ça, c'est la raison pour tous ceux qui ne sont pas capables de décoder avec de l'intuition. Comme quelqu'un qui, à un moment donné, un couple que je connais, le matin, il embarque dans l'auto, elle part pas, puis là, il se rend compte finalement qu'il n'y a pas d'essence, puis la femme dit à son mari, ben tu vois, c'est parce qu'il fallait pas y aller. Puis l'autre se réveille d'abord, puis il dit, crise de fond, il n'y a plus de gaz. Ben, lequel des deux a raison? Les deux ont raison. Il n'y a plus d'essence. Ben, il n'y a plus d'essence. Sauf qu'il y en a un qui ne se sert pas des événements de la vie, puis l'autre qui s'en sert. Est-ce qu'ils sont plus ensemble? Tu t'entendais réellement pas sur ça. Il y en a un qui trouvait à la station de service. C'est ça. Puis l'autre, une société de remorquage. L'aide, c'est pourquoi je dis qu'on doit faire attention, ce n'est pas une question de vision spirituelle. Parce qu'effectivement, bon, la personne, le bonhomme, il va dire, ben oui, mais crime, on n'a plus d'essence. Oui. Pourquoi les automobiles ont besoin d'essence? Ben parce que là, un mécanicien peut tout t'expliquer. Pourquoi l'essence brûle? Ben parce que c'est inflammable. Pourquoi c'est inflammable? Ben c'est comme ça! Pourquoi c'est comme ça? Tout le monde est niaiseux. Ça finit là, normalement. Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi l'air se condense dans les pneus sur la route quand il fait froid? Parce qu'on sait que c'est une loi de la thermodynamique qui fait que... Pourquoi c'est comme ça? On est dans un immense mensonge cosmique. Tout est une vraie farce. Il n'y a pas de pourquoi que... On peut s'amuser traditionnellement à recevoir les choses, puis on peut s'en servir pour améliorer les choses. Ton automobile, est-ce qu'elle prend beaucoup d'huile? Non. Non, c'est pas le genre d'automobile. Tu vas au garage, tu dis, vérifie l'essence, puis mettez de l'huile. J'en ai déjà eu une comme ça, mais pas celle que j'ai. Il y a des individus qui ont des vieilles automobiles, des minounes, hein? Bon, moi, j'en avais une à un moment donné, l'Université de Montréal, a cette affaire de fois de me l'acheter. fait des études de tout sur le cancer. Bon. Et puis, je roulais avec mon automobile, et puis à un moment donné, j'avais un projet particulier, et elle avait 150 000 milles de fait. Et puis, j'embarque un individu qui voulait s'associer à notre projet, et puis l'automobile avance mal, ça pète, ça boucane en arrière, ça vraiment... Alors, moi, je savais que quand mon automobile refusait un individu, c'est parce que probablement que l'individu nous ferait des problèmes. Alors, je l'amène jusqu'à la station d'autobus, et puis il descend, et puis ça a pris quoi, 2-3 minutes après, puis l'automobile est revenu correct. C'est sûr que tu peux me dire qu'il y a peut-être une poussière dans le filtre à essence, ou encore dans le carburateur, ou un bon, il y a plein de raisons qui sont toutes vraies. Lui, il venait de perdre un emploi. Okay. J'ai bien fait. À un autre moment donné, bien, j'ai pas écouté mon automobile. Puis on s'est ramassé avec une poursuite de 14 000 $ sur le dos avec cet individu-là. Ah, c'est un hasard! Eh oui, c'est un hasard en réalité. C'est une mécanique de manipulation. Sauf qu'il faut bien comprendre que mon automobile, moi, quand je vivais bien, elle ne prenait plus d'huile et je pouvais faire Montréal, Chicoutimi, aller-retour sans faire le plein. J'avais besoin de faire le plein en revenant. Alors que d'autres moments donnés, il y a peut-être plus de vent, il y a peut-être plus de n'importe quoi. Ça fait penser à un mécanicien, à un moment donné, j'avais ma radio fonctionnait mal, et puis lui, il me dit, écoute, c'est peut-être parce que vous roulez trop vite. La radio? C'est ça, tu sais, calvaire nord-est, là, tu sais, ça rentre mal, puis calvaire, tu sais, puis il n'y a pas assez bon. Il y a des choses que l'humain doit apprendre à décoder. Moi, ce que je sais, c'est que si vous observez vos vies, au niveau de l'extérieur, pourquoi qu'il y a une différence entre l'homme ancien et l'homme nouveau? C'est simplement que tant qu'on est un homme ancien, ce qui est important, c'est ce que nous sommes par rapport à autrui. Parce que nous sommes investis d'un ego collectif qui fait en sorte qu'on ne pourra pas, par exemple, se présenter habillé ou déshabillé devant telle ou telle personne parce que c'est pas à la mode, parce qu'on va se faire juger ou etc. Bon, c'est uniquement une association en fonction de comment ça va paraître. On veut être un bon père, une bonne mère, un bon étudiant, un bon fils, un bon ci, un bon ça. Par exemple, un de vos parents est malade, puis tu dis, oh, écoute, je vais aller chercher à l'hôpital. C'est bien normal. C'est pas normal que tu ailles chercher à l'hôpital. C'est correct. Tu y vas pas parce que c'est bien normal. Tu sais, c'est une vision collective encore que tous les fils devraient, c'est normal, il n'y a rien là. L'humain, l'homme ancien, la femme ancienne, l'enfant ancien, est assujetti à une centricité égoïque. L'homme nouveau est assujetti à une centricité dans l'intelligence. Ça veut dire que tant qu'on est ancien, c'est ce que vous êtes qui est important. Mais à l'instant où on commence à se conscientiser, c'est pas ce que nous sommes du point de vue astral qui est important, mais maintenant, ça va être ce que nous sommes du point de vue de l'intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'on est assujetti à l'évolution astrale, donc l'évolution de l'homme ancien, tout ce que nous allons laisser sur la Terre ou faire semble important. C'est pour l'ego. Donc, ça veut dire qu'on va s'arranger, par exemple, pour bien paraître, pour être poli, pour laisser de l'argent, pour laisser un héritage à nos enfants, pour laisser une trace à la planète, pour quelque chose dans le genre. Qu'on nous oublie pas, pour que dans l'astral, on ne meure pas. Si on est assujetti à l'homme nouveau, aux lois de la conscientisation et non pas aux lois d'évolution, ben alors, ce qui va être différent maintenant, c'est que c'est fondamentalement l'intelligence chez l'humain qui est important. Ça veut dire que maintenant, vous avez trois entreprises, ils vont toutes planter si vous ne comprenez pas les changements que vous devez appliquer. Vous avez un corps physique très joli, il va se morceler si vous ne comprenez pas. Tout maintenant, ce que vous allez faire n'a plus d'importance, tout va s'effriter si vous ne comprenez pas. Tout devient de plus en plus centré sur l'intelligence chez l'humain. D'où l'importance d'apprendre à décoder, qu'on soit ancien ou qu'on soit nouveau. Puis le décodage, c'est de se servir de la vie comme un immense miroir déformant qui va nous permettre de nous payer, qui va nous autoriser, qui va nous permettre de générer chez nous des capacités que tous les humains ont, d'intuitionner certaines choses, d'être capable d'avoir une intuition qui va leur révéler des mécaniques. Est-ce qu'il faut parler? Est-ce qu'il faut écrire? Est-ce qu'il faut en parler avec quelqu'un? Comment on fait? J'en ai un exemple. Moi, tout ce qui est électronique, les télévisions, les radios, les batteries d'auto, les aliments, n'importe quoi qui est électrique, ça saute. Comment je fais pour savoir qu'est-ce qui fait défaut dans mon... On prend l'exemple que tu as. Mais je voudrais... Après ta Jaguar... T'as toujours une lumière qui s'allume pas. Hein? À un moment donné, je l'ai pris. Oh, puis toi, tu ouvres ton capot, tu fermes ton capot, puis tu brosses tout, puis là, ça allume, puis là, tu pars. Bon. Moi, je prends ton auto et j'allume les phares, ça fonctionne. Bon, ça est arrivé deux ou trois fois, j'ai dû les allumer, ça fonctionnait tout le temps. je te remets ton auto, tu allumes tes phares, puis là, après ça, je vois que tu ouvres ton capot, puis tu fermes le capot, puis là, probablement que moi, dans la vie, j'ai suffisamment de phares d'ouvert, j'ai pas de problème. Toi, probablement, il faut toujours que tu ouvres ta grande gueule pour rectifier ta vision, de façon après ça à être centré sur une justice, une vision plus juste. Ça, c'est le capot, la grande gueule? Oui. Il s'ouvre à l'envers, à part ça. Oui, je sais, ben, c'est un genre européen, hein, mais c'est la base du compte. C'est quoi là que je parle? Hein? Après trois ou quatre fois, le phare s'allumait et s'en allait. T'arrêtais au restaurant, t'éteignais, tu revenais, tu rallumais, c'était éteint, il fallait que tu recommences. Mais si on remarque ce que je dis là, puis si tu observes ta vie à l'époque, c'était juste. Il y en comment, a... Mais là, ma question, je précise ce que tu dis, mais ma question, c'était comment moi, j'aurais pu le réaliser. C'est-à-dire, comment j'aurais pu exprimer ça. Le processus, est-ce qu'il fallait que je parle? Est-ce qu'il fallait que j'écrive? Est-ce qu'il fallait que... Parce que tu te rappelles, t'as fait changer les fils, t'as tripoté les coffins, t'as tout... Ah, j'ai trouvé, là, qu'est-ce qu'il y a là? Parfait. Ça marchait pas trop. Bon, comme présentement, t'as un clignotant pour ton auto qui fonctionne mal. Probablement que t'es dans une phase où tu indiques mal aux individus tes démarches. Je m'entends ça, qu'ils me suivent pas, je les embrouille. Ouais, mais c'est ça aussi. Je clignote à droite, ça tourne à gauche. Parce que lui, là, si ça signale à droite, c'est qu'il va tourner à gauche ou à droite. Si ça signale à gauche, c'est qu'il y a un court-circuit. C'est ça. Non, puis si ça signale pas, c'est qu'il va soit venti-circuler. Bon, et puis lumière, c'est parce que je freine. Ça prend du décodage pour moi. Comment l'humain va décoder? Et ça, c'est une chose qui se dit facilement, mais qui ne se comprend pas. Vous allez devoir décoder le décodage. C'est-à-dire que ça fait partie de ceci, c'est qu'il y a l'anomie, on nomme les choses, alors ça crée la parole. Hein. Il y a la logie, on explique ce qu'on a, les communications de ce qu'on a nommé. La physionomie, c'est qu'on détermine le corps physique, estomac, cœur, poumon. La physiologie, maintenant, on va exprimer les relations entre le cœur, le poumon, etc. Il y a l'agonie, qui nous permet d'étudier un microcosme dans un macrocosme. L'agonie, ça, on connaît ça. Ça sauté comme ça, oui, c'est ça. Et il y a la zoophie, qui permet de... comprendre instantanément toutes les relations entre ce qui était entre la gonie, entre la sophie et l'anomie. Les trois premiers s'apprennent en conférence, le quatrième s'apprend uniquement par l'initiation. On n'apprend pas la sophie par des livres. Alors, pour parvenir à décoder convenablement, ce que l'humain doit faire, c'est que je vais expliquer, mais comme je vous dis, c'est facile à dire, mais à un moment donné, vous saurez. Du moins, vous saurez que quand vous faites certaines choses, que ce n'est pas ça, c'est pas ça qu'il faut faire. Alors, tu vas, par exemple, tu t'allumes ton... tu t'en vas, il se met à pleuvoir, et puis tu allumes tes essuie-vite, et puis il y en a un qui fonctionne mal. Puis c'est toujours celui qui est en avant de toi, c'est toujours au niveau de tes yeux, c'est tout crasse, tu sais. T'es de même ou t'es de même, ça va, tu sais, mais quand t'es confortable, tu vois jamais rien, tu sais. Ah, c'est alors, ça cause qu'il y a une crotte, là, je le sais, mais toujours placé devant tes yeux. Tu sais, le gars, il mesure 6 pieds 8, là, ben, c'est devant ses yeux. Tu mesures 4 pieds 4, c'est devant tes yeux quand même. T'sais, la crotte est toujours bien ajustée. Bon. Alors, la personne, elle va décoder. Elle doit décoder quoi? Elle doit décoder que probablement qu'il y a des mécaniques salissantes au niveau de sa vision du monde. Il y a des mémoires. Comment elle décode? On ne doit pas parler dans sa tête. On ne doit pas penser dans sa tête. On ne doit pas parler ou penser tout haut non plus. On doit simplement observer et attendre, tout en étant totalement éveillé. Comme ça qu'une intuition vient. On ne raisonne pas. Mais elle va venir comment? Elle va venir par une pensée, elle va venir par une à un moment parole. Donné, subitement, si tu regardes les choses, là, subitement, tu vas avoir l'impression de savoir quelque chose. Et maintenant que tu as l'impression de savoir quelque chose, si tu n'es pas suffisamment en contact avec ton intelligence, donc avec l'intelligence supramentale, tu devras expérimenter le savoir qui est intuitif qui commence à te toucher. Alors, tu regardes, c'est vide en dedans, mais tu es attentif à quelque chose. Tu ne cherches pas, parce que tu ne sais pas quoi chercher, donc lance-toi pas en quête. Hein? Tu sais quel chemin tu vas prendre. T'attends. Et puis, à un moment donné, il y a quelque chose qui semble venir, et là, vous devez vous accrocher ce qui vient, puis le descendre en parole. Et là, tu auras probablement un bon décodage, mais on s'en fout de le suivre, mais de quelque chose chez toi. Puis il va se trouver qu'à un moment donné, quand tu vas avoir réglé ça, ton SUV, il ne faut plus ça. mais que ça fait niaiseux. Ben, vous plantez une graine dans le sol, puis s'il se met à pousser une fleur, c'est niaiseux. Ben, on décrit la mécanique, on n'explique pas la mécanique. Parce que c'est niaiseux. Ça, il faut faire ça quand on est calme. Si c'est un événement plus dramatique, tu coupes les trois droits, les trois droits, les trois droits gauches. C'est pas pendant que ça se passe que tu peux. Si c'est émotif, ça marchera pas, autrement dit. C'est ça ma question. Non, je reviens toujours à tout à l'heure à l'idée que je disais, c'est que tu commences par t'arranger pour survivre. C'est ça. Alors, mais ce qui est important de comprendre, c'est que tous les événements de la vie peuvent être décodés. Mais encore une fois, on ne devient pas des fous du décodage. Tout à l'heure, vous allez sortir, là, il y a du monde qui va vous toucher, là, puis là, vous êtes touché un coude, touché une fesse, touché une épaule, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous étiez dans une foule. C'est bien simple. Bon. Ce qu'on doit comprendre, c'est que... Parce que l'humain, moi, souvent, les personnes trop intellectualistes vont penser que tu dois te concentrer 24 heures sur 24 à décoder tout ce qu'il y a là. Il y a un avion qui passe à 12h12, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y avait un vol cédulé pour cette heure-là, tu sais. Ça n'a rien à voir avec nous autres. Par contre, si ton avion est en retard, qu'est-ce qu'il y a à décoder? Tu te dis, ben dans ma vie, je suis toujours à l'heure, mon avion est en retard. On s'en fout. Il y a peut-être de quoi décoder, peut-être que tu n'as pas à y aller là, peut-être que on s'en fout. Mais si fréquemment les moyens de transport que je prends sont en retard, probablement que les mécaniques avec lesquelles je vis, c'est des mécaniques qui sont en retard sur moi-même. Je suis en avance sur mon temps, mais en avance sur le temps des choses que je me sers. Là, la personne elle commence à fouiller. Bien, si je regarde comme il faut, c'est vrai quand même, parce que des idées que j'ai déjà eues avant en affaires, ils m'ont dit non. 3 ans après, ils ont appliqué, ça a fonctionné. Moi, j'ai jamais rien eu pour ça. Après ça, si, là, tu commences à faire un retour, mais on s'en fout des moyens de transport en retard, mais ça t'a permis subitement, au lieu d'aller voir un psychologue, ou un conférencier ou quelqu'un d'autre, ça te permet subitement, toi, d'être capable d'être un peu plus ton maître, ton enseignant. Subitement, tu découvres des choses. Et comment on règle ça? Faites confiance à ce que vous êtes. Quand on sait, là, il y a bien des choses qui se règlent seules, puis après ça, il y a des petites choses, par contre, il faudra qu'on mette un peu d'énergie pour l'appliquer. En le trouvant nous autres mêmes, c'est l'impression que j'ai, c'est que si tu trouves toi-même ce qui t'arrive, la solution doit être proche de... Elle est extrêmement près. Sauf que souvent, l'humain, ce qu'il va faire, c'est qu'après l'avoir trouvé, il va aller quêter l'approbation chez un autre. La confirmation. Ça, c'est dangereux. Et en plus, ce que l'on doit faire, c'est qu'on doit continuer à... Parce que c'est l'évolution, la conscientisation, c'est pas une recherche. Tu sais, imaginez-vous bien que moi, quand je me couche ce soir, je dors. Hein? Je suis pas là à me casser la tête, à me demander, puis à me dire, ching, ching, gap, etc. Puis, tu sais, m'asseoir en position de méditation, j'ai besoin de faire ça. L'humain n'est pas toujours en train de poser des questions. Si je joue au tennis, je ne sais pas de décoder chaque fois que la balle m'arrive sur le nez. Pourquoi? Je m'arrange pour qu'elle m'arrive plus sur le nez. Peut-être que si je prenais une raquette pour jouer, ça m'arriverait moins. Ou si elle n'a pas de trou dedans, c'est pas pire. C'est que l'homme doit simplement s'arranger pour qu'il soit vivant. Ce qui va faire en sorte qu'à un moment donné, il y a énormément de décodages qui vont descendre chez lui par intuition sans que lui ait eu à les commander. Mais au départ, on doit s'entraîner à être intuitif, à être des cartomanciens de votre vie. Bon, vous avez, par exemple, chaque fois que vous achetez un chandail, un coton ouaté ou un chandail de laine ou n'importe quoi, ou encore chaque fois que vous achetez un morceau de linge qui vous plaît, il rétrécit toujours au lavage, il se décolore, il y a d'autres javel dessus, il se mélange avec une autre couleur, ben, il y a quelque chose là, à aller chercher là. Mais pas pour un morceau de linge, parce qu'on reste sur une planète où on reste assujetti collectivement à un paquet de choses. Alors, c'est sûr qu'on peut décoder, tiens, je suis encore collectif, ben oui. Mais là, si vous continuez, vous, à avancer progressivement, vous allez finir par être des êtres humains individuels. Pas individualistes au niveau de la vie, individuels dans la conscience. Vous ne serez plus déterminés à agir en fonction des désirs d'autrui. Si ça vous va, vous le faites. Si ça ne vous va pas, vous ne le ferez pas. Alors, l'humain qui... une personne, par exemple, qui... Elle arrive toujours de bonne heure, puis elle n'est jamais en retard, sauf que tous ceux avec qui elle a des rendez-vous, eux, sont toujours en retard. Mais là encore, là, il y aurait quelque chose à regarder. Le décodage est extrêmement facile si on prend un peu le temps d'eux. C'est évident qu'à un moment donné, une personne va dire, ben oui, mais moi, je connais rien du décodage. Comme décoder les rêves, c'est la même chose. Il n'y a rien de plus facile que de décoder un rêve. Sauf que la personne va dire, oui, mais moi, je connais pas la symbolique des rêves. On n'a rien à foutre de la symbolique des rêves. Est-ce qu'elle peut tout être différente pour tout le monde, la symbolique? Elle est toujours différente pour tout le monde. Comme un jeu de cartes ou un Alors, quand tu vas acheter un livre là, de décodage des rêves, tu lis tout ce qui est là-dedans au complet, puis après ça, tu vas rêver en fonction de ce qui est écrit dans le livre. Moi, quand j'étais très jeune, je me suis fait un pendule. Puis là, je me suis dit, bon, comment ça marche un pendule? Tu sais, oui, non, peut-être. Bon, bon, du côté. Quand ça va aller de même, là, ça va être oui. Quand ça va aller de même, ça va être non. Puis si ça tourne en rond, c'est peut-être. Quelques années après, je trouve un livre sur la radiesthésie, puis là, je regarde, puis je suis totalement impotent. Mais moi, ça marchait tout le temps, mon affaire. Fait que je me suis dit, bon, bon, c'est sa façon, moi, je la mienne. À un moment donné, j'étais très, très jeune, j'avais à peu près 10 ans ou 11 ans, j'ai décidé d'apprendre à tirer au tarot. Alors, j'ai acheté un jeu de cartes avec un gros livre. Un gros livre, hein? Même trop long à lire. Je me suis fait moi-même ma façon de comprendre les tarots. Et puis, j'ai toujours été un superbe bon tireur de cartes. Malheureusement, c'est vrai. Ah oui, ben c'est ça. Et puis, à un moment donné, on avait une exposition à la... Ça s'appelle la foire occulte, là, c'est... En tout cas, vous allez là-bas pour faire prendre votre photo, lancer sur des ballons avec des dards. C'est le salon de sciences occultes, voilà. Et puis, la personne, on exposait pour un gugus, l'autre, il y a une personne qui vient me dire, elle me dit, dans l'allée de la destinée, là, il y a 8-9 kiosques de livres de vide, il manque des cartons anciens. Puis dans votre groupe, peut-être qu'il y en a quelques-uns. Fait que ça, oui, on en a plein, nous autres, puis on avait un rabais sur le kiosque. Et... Alors, j'ai pris 8-9 personnes du groupe, et puis en une demi-heure, je leur ai tout montré au groupe à tirer au cartes. Je leur ai dit simplement, ça, là, ça fait penser à quoi? Ben, je sais pas trop, ben, regarde, il y a ça. Ah, OK, peut-être que si, que ça, que ça. Ben, c'est bien bon. Et c'était ceux qui avaient le plus de gens en ligne pour se faire tirer au cartes. Quand on évolue, on doit s'amuser, puis on doit simplifier. Imaginez, moi, je tirais aux cartes à des gens, après ça, j'ai un de mes amis qui est rentré, il venait me remplacer. Il me remplaçait pas comme ça. Il s'est foyé en avant. Tout le monde sont assis, puis regarde toujours le client qui est dedans, c'est tout le monde. Fait que moi, je tire au cartes. Après ça, on change de place, il me tire au cartes, après ça, je m'en allais. Fait que le monde vient de rentrer, après ça, tire au cartes, puis moi, il me voyait sortir, puis là, c'était le client qui tirait au cartes. C'est tout, je viens de rentrer là. C'est amusant. T'apprends comme ça. Pourquoi? Parce qu'il faut juste que tu te fies ton intuition, il faut que l'humain se fie à lui-même. C'est sûr que si vous apprenez à tirer au cartes, vous venez me voir en me disant, tu sais, la carte, par exemple, le fou, quand j'interprète comme ça, c'est correct. Et moi, je peux vous dire, oui, c'est correct. Alors, vous me dites, bon, vous allez me dire, par exemple, toi, tu t'interprètes comment? Ah, ben, moi, c'est totalement différent. Puis là, vous allez avoir l'impression que je ne vous ai pas répondu comme il faut, parce que j'aurais dû vous montrer la vraie façon d'interpréter. Vous décidez d'interpréter vos rêves. Qu'est-ce que vous faites? Chaque fois que vous vous réveillez, quand vous vous en rappelez, vous observez le rêve comme la vie. Puis progressivement, vous allez voir que les symboles vont se placer en fonction de vous permettre de comprendre. Et ça n'aura plus rien à voir avec les livres, par exemple. Mais vous allez être capable aussi bien que n'importe quel bon interprète. La vie, c'est la même chose. Ma lampe fait juste clignoter dans mon salon. Ça veut dire quoi? Est-ce que j'ai besoin de ma lampe pour m'éclairer? Oui, c'est quand je lis qu'elle fait ça. Il y a quelque chose. Non, ma lampe, je m'en fous, je l'allume par habitude. C'est une habitude là, qui commence à disparaître quelque part dans ma vie. Éteins ta lampe, puis probablement qu'à un moment donné, il y a une chose qui va partir tout seul, ou il y a quelque chose qui va finir par arriver. Si l'humain décode, donc se permet d'être un autogestionnaire de son interprétation. Donc, c'est important qu'on ne demande pas aux autres, qu'est-ce que tu penses que ça veut dire quand j'ai ceci? C'est dangereux parce que là, on va s'assujettir à un maître du décodage. Vous allez permettre à quelqu'un de devenir un bon décodeur et vous, vous allez toujours être assujetti à la nécessité de le rencontrer pour décoder. On part avec ce qu'on est. Puis là, on dit, ouais, mais d'un coup, je décode mal. Vous décoderez jamais mal. Mais vous décoderez toujours différemment les uns des autres. Et vous décoderez jamais mal. Et quand je parle de décoder, c'est toujours en fonction des choses qu'il y a chez moi. Bon. J'ai des petits points que je veux, sur lesquels je veux revenir. La deuxième partie, on va en parler un petit peu. Sinon, vous avez des questions sur n'importe quel sujet, vous les amenez. Puis s'il y a des petits trucs que vous aimeriez qu'on regarde comment on devrait les décoder, vous pouvez les écrire. Écrivez pas un livre. Puis écrivez bien pour qu'on n'ait pas l'impression que Charles sait pas lire. À tout à l'heure. On fait une petite pause.